une chanson que me fredonnait l'automne, les taches rouges de septembre, ma chambre, une dernière cigarette, peut-être, et puis je vais aller dormir. Je pense à tous les solitaires sur terre qui vont éteindre la lumière pour faire l'aller-retour, la vie de rêve. Je lève mon verre à leur prochain sourire. Un jour tu ris, un jour tu pleures, un jour tu vis, un jour tu meurs. Départ mouchoir, retour velours, histoire d'amour. Un jour ça va, un autre non, un jour lilas, un jour flocon, c'est ça la vie. Un jour tu pleures, un jour tu ris. J'étais au chaud dans ta romance, dimanche. Lundi j'ai froid dans le silence et l'absence. J'aurai peut-être une semaine de peine, puis sûrement je t'oublierai. Et je dirai d'autres je t'aime quand même. Je feuillerai d'autres visages, les pages du livre de cette aventure future, ma vie, mes joies et mes regrets. Un jour tu ris, un jour tu pleures, un jour tu vis, un jour tu meurs. Départ mouchoir, retour velours, histoire d'amour. Un jour ça va, un autre non. Un jour flocon, c'est ça la vie. Un jour tu pleures, un jour tu ris. Un jour tu ris, un jour tu pleures, un jour tu vis, un jour tu meurs. Départ mouchoir, retour velours, histoire d'amour.